Bon, vous pensez que là, vous vous disiez, ah, il nous avait promis un dernier podcast, mais il fera pas un. Hein. Ben, Chris, je suis là et je me livre à vous pour une dernière fois. Je vais pas m'éterniser très très longtemps. Par contre, qu'est-ce que j'ai à dire depuis la dernière fois? Bon. C'est une fin de parcours assez débile dans tête, évidemment. Bon, mes parents sont passés la semaine dernière. J'ai passé pas mal de temps avec eux. Mon père est venu à Rotterdam quelques jours. Il est parti aujourd'hui, mercredi. Alors, demain jeudi, je vais monter une exposition parce que oui, en fait, vendredi soir, j'ai une expo, une autre expo, oui, donc, à V2, qui est un centre en art médiatique. Puis, en fait, c'est l'expo des finissants parce que si vous vous rappelez, ceux qui s'en rappellent sauront que en plus. Que non content de faire une simple résidence artistique à Duende Studio et de présenter mon travail à la galerie Tent, je suis également un workshop au Pietzwart Institute et le résultat de ce workshop, qui est un objet électronique interactif, va être présenté lors d'une petite expo ce week-end. Donc, vendredi, je dois passer à Tente. Je récupère mon ordinateur. Ils vont m'envoyer le reste par la poste. Et vendredi soir, il y a l'ouverture. Et samedi, je décolle à 3h30 de l'après-midi, ce qui veut dire que je dois être à l'aéroport à 1 heure à peu près. Donc, vous voyez un peu à quoi ressemble la fin de mon séjour ici. J'ai une seule affaire vraiment intéressante à vous dire, en tout cas. Je ne sais pas si c'est vraiment intéressant, mais vous en ferez ce que vous voudrez. Je suis passé à la TV. Ben oui, toi. La TV de Rotterdam. Et ce qui est super le fun, c'est que c'est diffusé sur Internet. Ah! Incroyable! Ce qui va me permettre d'écourter le podcast et de vous référer à cette merveilleuse émission qui porte sur l'expo Wrong Time, Wrong Place, à laquelle j'ai pris part à la galerie Tent. La majorité de l'émission est en néerlandais. Par contre, la partie où vous allez reconnaître quelqu'un que vous connaissez, peut-être, cette partie-là est en anglais. Donc, maintenant, vous dites, oui, mais allez, dis-nous, c'est où? C'est quoi l'adresse pour se rendre? L'adresse est une espèce d'URL à couper dehors. Donc, j'ai posté en fait sur mon blog. Vous allez pouvoir trouver dans l'entrée du 28 juin un petit article qui vous réfère à la bonne place. Donc, c'est sur, je vous rappelle, l'adresse du blog, Rotterdam, avec deux T, hein, rotterdam.tats.name. Et c'est dans la section journal, vous allez trouver, c'est intitulé TV. Donc, je vous laisse là-dessus et je vous revois bientôt à Montréal. À bientôt!